H1000 présente. Une carte postale sonore d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute. Auditeurs, auditrices, vous êtes les bienvenus. À cheval entre la Haute-Garonne et l'Ariège, le village de Montbrun, au pied des petites Pyrénées. Je vous amène ici, mais aussi dans la forêt royale, pour cette carte postale sonore, balade itinérante avec vos oreilles. Du matin, journée printanière, nous entrons en douceur dans le village de Montbrun, réputé pour son marché mais aussi pour la réhabilitation de son château qui domine le village. Ouvrez vos oreilles, c'est le départ. Vous êtes d'ici ? Pardon ? Vous êtes d'ici ? Oui et non. Vous venez souvent au marché de Montbrun ? Ah, tous les dimanches depuis 4 ans. Oui. Et pour quelle raison ? Parce que j'ai besoin de faire mes courses. Il y a un petit air sympathique dans ce village ? Ah, il y a un air sympathique, oui. C'est pour ça que je viens surtout. Et c'est quoi qui est sympa ? C'est... ça dépend des jours, mais En général, oui, c'est le côté convivial du marché. On croirait dans un autre pays ou dans une autre époque, peut-être, des fois. Ouais. Voilà. De par l'architecture ou de par les produits, les gens ? De par les gens, de par les produits proposés, de par les gens. Bon. Et je vous laisse. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Maraîchers, tissus, thé, tapis, fringues New Age. Et dans l'œil de la bouche. Et maintenant, pénétrer dans la halle centrale. Et bah moi aussi. Qu'est-ce que vous enregistrez ? Ben, le marché. Ah. Et vous, je suppose que vous faites le marché aussi ? Oui. Vous venez ici tous les dimanches ? Non, je viens de temps en temps, une fois tous les deux ou trois mois, pas toujours. Et pour quelle raison ? Oh, parce que le coin est agréable. Puis bon, les gens sont sympas. Ils n'ont pas l'air... ils sont plutôt cool. Parce qu'ici, c'est les anciens hippies. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que vous pensez justement que ce marché, que ce village ait été investi par les hippies ? Vous trouvez cela positif ? Oh, tant qu'ils n'ennuient personne, vous savez, voilà. Il faut qu'ils vivent leur vie, quoi, c'est tout. Voilà. Merci, bonne journée. La vie du marché avec oui, vos je sais. Oreilles. De la foule à la mélodie de la nature. Vous êtes poète de rue. Oui, je suis philo-poète de rue. Et c'est quoi exactement philo-poète de rue ? Vous voyez, je suis dans la rue. J'ai mon petit stand de poésie. J'écris avant tout, comme poète écrit. Et puis, mon ravissement, c'est de dire, d'avoir les yeux en face de moi et de pouvoir déclamer mes poèmes. Et je passe beaucoup par le hasard parce que c'est mon associé. J'ai pris un associé très puissant, le hasard, qui vous connaît, qui me connaît. Et donc, vous avez tiré le soleil. D'accord. Laissez-moi vous le dire. Ah ben, bien sûr, avec plaisir. Comme un grand frère, notre astre solaire réchauffe la Terre en même temps qu'il l'éclaire. Dans sa douceur, il invente les couleurs. Dans son ardeur, il réclame notre sueur. Adoré comme un dieu par nos aïeux, il regarde anxieux nos jeux dangereux. Voilà. D'accord. Et vous faites ça toute l'année ? Ça fait 15 ans que je suis poète à plein temps, oui, toute l'année, oui. Et vous arrivez à vivre de votre poésie ? Je vis ma poésie. C'est différent. Et c'est en même temps parallèle. En fait, l'important n'est pas de vivre d'eux, mais de vivre. Le menuisier vit dans l'odeur du bois. Il ne vit pas de l'odeur du bois. C'est une très belle conclusion. Merci pour, merci pour ce petit moment poétique. Et vous n'êtes pas poétique. Présenté vous-même. Alors, moi, je suis H1000 Radio. J'invite les auditeurs à des balades sonores dans la nature, mais aussi à découvrir des gens. Bravo. Merci, merci. Merci. Solaire. Et vous vous enfoncez. Une super son. Voilà, c'est des instruments en métal qui sont fabriqués dans des bouteilles de gaz en fait. Et comment ça s'appelle cet instrument ? C'est un tong drum. Tong, en fait en français ça veut dire tambour à langue. C'est des langues qui font la vibration. Et vous pouvez jouer tout type de... Bah, disons qu'on peut mettre différentes gammes, on peut mettre les notes qu'on veut, donc effectivement on peut créer différentes ambiances. C'est un super son. Merci. Merci à vous. Au revoir. Mélodie de la forêt. La mélodie de la forêt à qui sait l'écouter. Du marché de Montbrun aux petites Pyrénées. Le seul sentiment, c'est l'écoute. L'écoute de la vie des autres. Ces autres que sont les gens, que sont les oiseaux, les insectes, la végétation. Ces autres-là font partie de tout un chacun, font partie de nous. Et vous voyez le chemin. On a vu de la lumière, et puis on a frappé, et puis on nous a ouvert. On nous a reçus très sympathiquement autour d'un petit vin blanc. Et en fait, est-ce que vous êtes d'ici, de Montbrun ? En fait, je suis d'Andorre. Enfin, je vis à Andorre, mais je viens passer les trois quarts de ma vie ici, à Montbrun-Bocage. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que j'y ai mes attaches, j'y ai mes amis, et voilà, puis je suis très attaché à cette région. Dans Montbrun, quelle est votre activité ? Je suis retraité maintenant. Ah, retraité. Mais je vois qu'il y a des peintures, c'est vous qui les réalisez ? Oui. Vous êtes observateur, oui, tout à fait. C'est moi, oui. Je m'occupe à ma retraite, je peins un peu et j'ai d'autres activités. Je joue au billard, comme vous le voyez, ouais. Un petit peu au golf. Et puis oui, je me promène et je profite de la nature, de tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce que vous aimez dans la nature ? La nature, mais son cycle éternel et qu'on respecte de moins en moins, malheureusement. Voilà, et puis retrouver des couleurs, des bruits, essayer de retrouver ce que j'ai goûté quand j'étais gamin, qui malheureusement tend à disparaître. Vous êtes inquiet pour l'avenir ? Ah oui, même plus qu'inquiet. Oui, je suis inquiet, oui. Et est-ce que vous essayez, au-delà de la question de la préservation de l'environnement, de faire connaître ou de faire connaître aussi le village, les alentours du village? Ouais, j'essaie de faire connaître, oui. C'est un village auquel je suis attaché, donc j'en parle autour de moi. Mais j'essaie aussi de préserver ce côté un peu sauvage. Je ne veux pas non plus que ça devienne un lieu où tout le monde se retrouve. Alors le dimanche, on a un magnifique marché, c'est bien. Et le reste de la semaine, c'est vrai que c'est un petit peu plus calme. Et moi, j'aime bien ce calme-là. Enfin, j'aime bien les deux, en fait. J'aime bien les deux, mais j'aime bien me retrouver le lundi, quand les touristes sont partis, le village retrouve Sa sérénité. Voilà, sa sérénité, comme d'accord. Dirait Jean-Pierre. Et m'a-t-on dit, vous êtes en train de travailler autour de la réhabilitation du château? Ben oui, j'ai un ami qui a racheté cette ruine, qui est un passionné d'art médiéval, de châteaux médiévaux. Et voilà, il essaie de réhabiliter un petit peu ce lieu. Alors, dans un premier temps, bien sûr, consolider ce qui se tient. Malheureusement, il y a beaucoup de choses, des pans de murs qui tombent régulièrement. Et ça nous attriste. Alors donc, lui, il a la volonté d'essayer de consolider cette ruine, qui est quand même majestueuse et importante. Voilà, donc on organise des journées où on nettoie un petit peu les alentours pour mettre les remparts un peu plus en évidence que ce qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, puisqu'ils sont envahis par la nature. C'est les opérations qu'on avait réalisées il y a une vingtaine d'années. C'était bien avant l'auto du patrimoine, ça, c'était bien avant Stéphane Bern. Hein. Tout à fait. Mais bon, je trouve que Bern fait les choses très très bien et qu'on a beaucoup besoin de gens comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lieux qui malheureusement se perdent. Et bon, c'est un peu notre race qui disparaît, c'est un peu dommage. Le château date de quelle époque ? Alors, voilà, bonne question. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est 11e siècle. Il a été remanié très souvent, mais on retrouve quand même, alors 13e, je ne me trompe pas. Hein. Et si des auditeurs veulent aider donc à la réhabilitation du château, faut s'adresser où ? Éventuellement à la mairie. Bon, alors on a pour idée de créer une association, les Amis du Château par exemple, mais avec des bénévoles. Mais ça, bon, c'est un projet, c'est pas encore réalisé. Bon, en tous les cas, auditeurs, auditrices de Toulouse et d'ailleurs de la région, si vous voulez participer à la rénovation, réhabilitation de ce château, mairie de Montbrun. Merci pour l'accueil. Merci. Chez de Montbrun. Donc, vous l'avez compris, auditeur, auditrice, c'est au carrefour de la nature, de la culture, de la rencontre et des gens qui ont une éthique de vie. On s'éloigne. Et on va aller marcher à la rencontre de la forêt. De la vie. Épiderme, moussieux. De ces lieux ancestraux. Programme H1000 sur votre radio.